a new day, it's a new life for each et chacun de nous. Justin, un conte politico-fantastique de et avec Lucien Ratio. Mise en scène de Jocelyn Pelletier et musique de Millimétrique. Justin, du 11 au 22 septembre à Premier Acte. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca. Ce soir à l'aérospatiale, Utopie comme méthodologie à regard, les expositions d'Evelyne Leblanc-Roberge et d'Elsa Stubb à vue, une première biennale du carnet d'artistes et l'exposition de Julie Bellavance à Engramme. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous écoutez l'Aérospatiale, votre magazine radiophonique sur les arts visuels à Québec, toujours sur les ondes de CKRL. Donc, une émission au programme bien chargé aujourd'hui. J'y vais avoir le plaisir d'avoir trois nouvelles collaboratrices de l'émission en studio pour parler de plusieurs expositions. Je suis vraiment heureuse de vous présenter ces nouvelles voix. Donc, j'en ai déjà deux avec moi en studio. Donc, des nouvelles voix, des nouvelles sensibilités qui s'ajoutent à l'équipe pour parler d'art au micro. Donc, on a Myriam Leland. Bonsoir, Myriam. Et Myriam va nous parler tout à l'heure de l'exposition Utopie comme méthodologie au Centre Regard à Lévis. Par la suite, il va y avoir une chronique de Delphine Eggersbar. Bonsoir, Delphine. Bonsoir. Donc, elle va nous partager ses impressions sur les expositions « Les extraterrestres ont mangé mon jardin » d'Elsa Stubé, et « Les attentes » d'Evelyne Leblanc-Roberge, qui sont présentés à vue actuellement. Et en deuxième moitié d'émission, je vais recevoir la directrice de la Société d'art et d'histoire de Beauport pour parler de la première biennale internationale du carnet d'artistes. Et en fin d'émission, ça va être notre nouvelle chroniqueuse encore, Marie-Claude Drolet, qui va inviter Julie Bellavance pour parler de son exposition chez Engramme. Et pour l'instant, on va se laisser pour une petite pause audio, donc toujours une sélection de Simon Roy cette semaine, qui nous propose de découvrir Palancar, projet de musique électronique ambiante de Daryl Bergen, donc qui s'intéresse beaucoup aux pulsations rythmiques. C'est très, très minimaliste, très hypnotique. Donc, il y a cette proposition de Simon cette semaine. Donc, je vous laisse avec un extrait de la pièce Spin Network. Thank you. Alors, c'était un extrait de musique, mais vous pouvez découvrir là, les liens qu'on met sur notre blog aussi là, pour découvrir l'entièreté de la pièce qui change tout au long de la pièce. Alors, Myriam Leland, tu m'as proposé de parler de l'exposition Utopie comme méthodologie qui est présentée à Regard, à Lévis, et j'avais le goût de te demander d'emblée comme ça, pourquoi tu as choisi cette exposition-là? Il y a plein d'expositions en ce moment. Qu'est-ce qui est allé te chercher dans cette exposition-là? Bien, en fait, ce qui m'a attirée de cette exposition-là, c'est le féminisme qui est dans les racines du projet, en fait. C'est super éclectique. On a de tout, plein de médiums, plein de buts, plein de démarches différentes. Mais tout ce qui relie ça, c'est vraiment une nouvelle façon de voir le féminisme aussi. Donc, c'est vraiment ce qui m'a attirée dans ce projet-là. Ça vient me chercher dans mon fort intérieur. Donc là, tu nous intrigues. T'intrigues Delphine, les auditeurs, les auditrices. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet qui semble quand même d'envergure? Il y a une dizaine d'artistes, je pense. Oui, c'est ça. En fait, c'est un projet de la commissaire Amber Burson, qui est doctorante de l'Université Queen's en Ontario. Dans tous ses projets, ses recherches se concentrent, entre autres, sur la culture des centres d'artistes autogérés, puis aussi sur la pensée utopique, principalement dans le cadre des imaginaires féministes et socialistes. Mm-hmm. Là, on a plein de gros mots, là, qu'on... Oui, bien, on a un projet d'une doctorante, en fait. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup dans la théorie, dans la méthodologie, on le retrouve même dans le titre. Par contre, je vais essayer de défaire ça un peu puis de montrer qu'on n'a pas besoin de s'y connaître tant que ça en théorie. On a juste besoin de garder l'esprit ouvert un peu, puis je crois que ça peut rejoindre une majorité de personnes si on va chercher un peu dans les démarches de chaque artiste. Donc, c'est justement des artistes, quelques-uns en fait, parce que comme tu disais, Gentiane, il y en a plus de 10 en fait, des artistes et des collectifs. Donc, c'est vraiment un projet d'envergure qui travaille une panoplie de médiums différents. On a de l'art vidéo, des installations en tout genre, de la performance aussi. Par exemple, dans l'art vidéo, on a le collectif Perse. Pardonnez ma prononciation, mon arabe est totalement inexistant, mais je crois que ça se prononce Taklif. Oui, je crois bien aussi. D'accord, merci pour la confirmation. Donc, c'est un collectif, comme je disais, perse, qui réfléchit, en fait, dans l'œuvre qui va être installée dans cette exposition-là. Ils réfléchissent, en fait, sur les mouvements de défense des droits des femmes au lendemain de la révolution islamique iranienne de 1979. Puis, plus concrètement, en fait, ils réfléchissent à ça en étudiant des archives de la revue mensuelle Zanan. Encore une fois, désolée pour la prononciation, qui est une revue, c'est la seule revue, en fait, perse qui est consacrée aux femmes en Iran, puis elle a été saisie par les autorités à multiples reprises. Oh, c'est intéressant, ça fait du beau matériel pour les artistes. Oui, c'est ça. Donc, on voit déjà le côté féministe, les droits des femmes, mais aussi un côté historique, puis du multiculturalisme. Ça peut nous intéresser aussi de voir un féminisme un peu différent, là. Quel autre artiste est-ce que tu as ciblé pour nous parler de Utopie comme méthodologie? Oui, bien, dans les installations, en fait, il va y avoir du dessin, des illustrations, mais aussi de la photographie du Montréalais J.J. Levine, qui m'a beaucoup attirée, en fait, quand j'ai lu la description. J.J. Levine est déjà connu, en fait, pour ses portraits plus intimistes. Puis ici, il nous présente des nouveaux portraits photographiques, bien sûr, de ses amis, souvent avec leur bébé dans les bras. On se dit, c'est rien d'exceptionnel, des photos de famille, mais en fait, de cette manière-là, il espère contribuer à la représentation visuelle des structures familiales queer et trans, parce qu'il s'est rendu compte qu'on trouve rarement des images qui reflètent ses choix de vie et ceux des personnes qui l'entourent. En fait, il veut simplement célébrer l'ordinaire et l'exceptionnel qu'il y a dans sa réalité de tous les jours, là, qu'on voit pas nécessairement dans les magazines ou les médias en général. Donc, donner plus de représentation à ces personnes-là qui sont sous-représentées. Finalement. Exactement. Puis ces personnes-là, dans un contexte ordinaire, dans un contexte de tous les jours, sans les glamoriser, vraiment en les humanisant pour ce qu'ils sont, des êtres humains, justement. Ensuite? Oui, on a aussi la performance, comme j'ai mentionné, dès le 14 septembre, donc l'ouverture de l'exposition. Il va avoir le vernissage dès 17 heures. Il va avoir le Centre de recherche urbaine de Montréal, donc le CRUM, pour faire court, qui nous propose quelque chose d'assez peu commun. En fait, j'explique un peu. Le CRUM, ça fait depuis 18 ans qu'ils sont incorporés comme en tant que personne morale à but non lucratif. Puis, ils se sont rendus compte que ça représentait pas vraiment... Ben, en fait, qu'il y avait d'autres manières de faire leurs activités, de créer. Donc, la performance, en fait, sera constituée de la dissolution de la personne morale en tant que personne incorporée, justement. Mm-hmm. Donc, ils proposent la désincorporation comme une méthode utopique, donc comme un autre moyen de voir les choses, de s'organiser en tant que groupe. De transformer les réalités puis c'est les années ça. Mm-hmm. C'est un peu une manière de remettre en question, de répondre au modèle familial paternaliste qui est souvent utilisé dans les modèles d'entreprise pour encourager la loyauté des employés, qu'on essaie de passer outre un modèle qui est peut-être un peu passé date, si on peut se permettre... Tout à fait. Il y a d'autres façons de voir les regroupements. Exactement. Au niveau des performances, on va également avoir le dimanche 23 septembre, dès 18h, on a Jake Moore, qui est un Montréalais, qui va faire la lecture d'un... Une Montréalaise, pardonnez-moi, j'ai ma luminote. Donc, elle va faire la lecture d'un texte de Virginia Woolf, puis ça va être altéré d'une certaine manière. Je vous laisse mijoter dans votre désir d'en savoir plus. Ça va nous donner envie d'aller voir la performance. Vous n'aurez pas le choix. Puis le même jour, encore le 23 septembre, on va avoir Michelle Lacombe, qui est également une Montréalaise, qui va s'inspirer en fait de la forme circulaire qui est utilisée dans plusieurs rituels de groupe. Mm-hmm. Pour, par exemple, comme les rondes de sorcières qui utilisent ce modèle-là. Puis elle va utiliser cette forme-là pour faire sa performance à l'extérieur de la galerie. Puis finalement, il va avoir des installations au sein de l'exposition pour témoigner de ces performances-là jusqu'à la fin de l'expo le 30 septembre. Wow! Donc, on a un beau programme. Puis là, tu nous glisses seulement quelques mots sur quelques artistes. Et puis, ça commence quand, cette exposition-là? Ça commence le 14 septembre. Et ça dure jusqu'à quand? Ça dure jusqu'au 30 septembre. Et le vernissage, c'est vendredi prochain? 14 septembre à 17h. Est-ce que tu peux nous rappeler la date des performances? Bien sûr. Donc, on a le 14 septembre, le soir du vernissage, à 17h. Et le 30 septembre, le 23 septembre, désolé, à 18h, qui est un dimanche. Donc, tout ça à Regard, à Lévis. Mais merci beaucoup, Myriam Leland, pour ta première, super première chronique. Nous, on va partir en petite pause audio et au retour, on s'entretient avec Delphine Aguesport. Alors, c'était encore un extrait de Palancar, une proposition de Simon Roy. Delphine Aguesbard, bonsoir. Bonsoir. Donc, toi, tu m'as proposé une chronique sur les expositions à vue. Donc, il y a deux expositions. Il y a « Les extraterrestres ont mangé mon jardin » d'Elsa Stubé, qui est dans la petite galerie, l'espace européen, et « Les attentes » d'Evelyne Leblanc-Roberge dans l'espace américain. Puis, je vais te relancer la même question que j'ai posée à Myriam. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller couvrir cette exposition-là? Vue propose des activités qui m'intéressent déjà depuis plusieurs années et je dois l'avouer, j'ai une pratique qui s'articule autour d'un intérêt pour la photographie. Alors, bien évidemment, ça m'a beaucoup intéressée, oui, d'aller faire un tour de ce côté-là à la rentrée culturelle. Et ces deux expositions qui ouvrent la programmation 2018-2019 du Centre Vue, qui s'intitule « Temps libre » et c'est envisagé un peu comme une forme de résistance envers la productivité, la performance et l'efficacité parce que les temps libres, c'est associé peut-être un peu trop souvent même au loisir, à quelque chose d'un peu léger. Mais ici, la légèreté prend vraiment une tournure très positive, une posture d'ouverture tout à coup. On envisage les temps libres comme un moment où on peut aérer un peu un temps. Et justement, cette programmation-là insiste sur le temps de création, la liberté même de création. Alors, du côté de l'espace américain, on retrouve les attentes d'Evelyne Leblanc-Roberge, qui est originaire de la Gaspésie, mais qui travaille aujourd'hui du côté de Rochester dans l'État de New York. Et c'est une exposition qu'elle présente comme une occasion d'articuler deux projets différents. Les attentes, qui donne son titre à l'exposition, qui explore les lieux, mais aussi les moments d'attente, des espaces de transition, qui sont aussi souvent des moments habités d'une certaine tension, oui. Comme une salle d'attente où on est un peu en suspens, en train d'attendre que quelqu'un vienne nous chercher, on est peut-être un peu stressé. Alors, elle explore un peu les activités ou les objets qui sont liés à cette attente-là, comme la navigation sur des écrans de tablettes ou des écrans d'ordinateur. Alors, il y a vraiment une vidéo qui reprend juste le mouvement des mains sur un iPad, mais avec, en fait, un fond blanc. Donc, c'est pas en lien avec aucune interface en particulier, mais on reconnaît vraiment, tu sais, les gestes très précis liés à cette navigation-là. Et aussi la plante verte un peu empoussiérée aussi qui se retrouve dans cette portion-là de l'espace américain. Mais la partie la plus percutante, je pense, de l'exposition, les attentes, c'est la portion du projet Wall plus Paper, Wall and Paper, en fait, qui prend la forme à la fois d'un livre, mais qui se déploie aussi dans l'espace d'exposition. Oui, hein, de long en large et jusqu'au plafond. Exactement, c'est vraiment une installation photographique assez raffinée. Oui, ça prend la forme d'une constellation d'images placées sur les murs, constellation de photographies, mais aussi d'extraits de correspondances. Et ce projet-là s'est déployé sur une période de 3 ans où Evelyne Leblanc-Roberge a échangé avec des gens qui en fait purgent une peine de prison à perpétuité dans des prisons du Texas et de la Californie. Et donc, elle échange avec eux sous forme manuscrite et elle les questionne sur les lieux qu'ils habitent ou qu'elles habitent, des lieux aussi dont ces personnes-là rêvent et des lieux dont elles regrettent également. Et au fil de ces échanges-là avec les participants et les participantes, elle crée des images de lieux qu'elle visite, de lieux aussi de son quotidien qui sont en résonance d'une manière ou d'une autre avec ces extraits de textes. Et je trouve que ce projet-là d'Evelyne Leblanc-Roberge nous amène un peu à réfléchir sur ce qui peut pour nous représenter un lieu sécurisant, un univers intime ou comment certains lieux peuvent devenir oppressants. Ou qu'est-ce qui fait que certains lieux deviennent des refuges ou des lieux qui nous appartiennent? Parce qu'elle les questionne justement sur des lieux dont ils s'ennuient. Et ces lieux-là, souvent, sont somme toute assez anodins et même nommés comme tels par les personnes. C'est, par exemple, une voiture non loin d'une ville, une voiture où on peut fumer une cigarette, boire un peu de gin et où personne nous embête, finalement. Et ce lieu-là, c'est un lieu sécurisant, finalement. mais c'est un projet aussi, je trouve, qui soulève beaucoup la question du regard. Le regard qu'on pose sur les lieux, les regards qui fait que les choses existent ou que des personnes existent aussi. À cet égard-là, il y a un extrait de correspondance que je trouvais particulièrement parlant pour cette question-là du regard qui permet à certaines personnes d'exister. Je vous propose une traduction de mon cru en français, d'un extrait en anglais, qui dit « En effet, en tant que prisonniers, nous sommes étroitement surveillés, mais rarement sommes-nous vus. » Pas simplement par des étrangers, mais même par ceux qui nous surveillent. Mm-hmm. Comme il est de leur devoir, ils jugent et objectivent, et nous, non moins humains malgré notre situation, devenons des manifestations abstraites basées uniquement sur ce que l'on sait de nous sur le papier. Alors finalement, il y a vraiment cette importance-là du regard qu'on pose sur des lieux, sur des choses, sur des personnes pour finalement leur donner corps et l'importance du regard posé sur ces gens-là dans les milieux carcéraux plutôt. Ouais. Oh, exact. Oui, non, c'est sûr que c'est très révélateur, cet extrait-là de l'expérience que peut vivre un prisonnier ou une prisonnière, là. Exact. Donc, je voulais la partager avec vous. Et passons maintenant du côté de l'espace européen avec Elsa Stubé, qui travaille entre la France et la Belgique et qui nous propose certaines images d'un projet qu'elle développe depuis 2016. Les extraterrestres ont mangé mon jardin. Un titre qui est quand même assez humoristique. Très humoristique. Et très intriguant. Très intriguant, très humoristique. Tu l'as très bien soulevé. Assez ludique et qui adopte un ton, somme toute, très différent des images qui nous sont données à voir dans l'espace européen, alors que les images sont plutôt... sont assez étranges. Il y a quelque chose de l'ordre du fantastique, du surréalisme. On est dans un univers très, très cinématographique hein, dans les images d'Elsa Stubé. Oui, tout à fait cinématographique. Je pense que tu le nommes très, très bien parce qu'il y a vraiment une tension entre quelque chose qui serait naturel et quelque chose qui serait artificiel. Hein, parce que dans ces lieux-là, il y a toujours des traces ou des vestiges d'une occupation humaine. Mais l'humain en est complètement absent. On voit à certains moments des animaux, mais ils ont aussi un caractère un peu particulier, un peu étrange. Et donc, ces lieux-là nous laissent avoir, bon, peut-être les vestiges d'un événement ou est-ce qu'on est tout juste avant un événement? Puis la lumière a une importance oui. toute particulière pour faire émerger cette étrangeté-là ou ce mystère-là dans les images. Et il y a aussi une omniprésence de l'eau. Et une fois que l'eau est vrai. Dans plusieurs images, en tout cas, il y a comme où il y a la présence de reflets. Puis là, il y a la lumière, l'eau qui viennent se coupler ici, puis créer des reflets, des écrans qui font toujours planer une sorte de doute sur ce qu'on est véritablement en train de regarder. Et, oui, parce qu'il y a un effet, à un moment donné, on ne sait pas si c'est. Quelle est l'échelle, puisqu'il n'y a pas d'humains qui sont représentés? On se demande si c'est des maquettes. On se demande si c'est à l'échelle humaine. Il y a vraiment une espèce de... Puis il y a un traitement aussi dans la photographie qui fait qu'on est un peu aussi... j'ai l'impression qu'on est comme un peu déstabilisé. Là. Il y a comme un détachement de la représentation fidèle à la réalité. Oui, tout à fait. C'est des maquettes vraiment où... moi, j'avais l'impression d'être face à des vivariums aménagés mm-hmm. où, tu sais, quelque chose d'assez petit, mais qui est donné comme quelque chose de grand, finalement. Donc, il y a vraiment cette présence-là de la nature. Elsa Stubé dit qu'elle développe ses projets à travers ses errances dans des lieux naturels, mais aussi dans des lieux qui ont été aménagés pour reproduire des espaces naturels. Donc, même dans les lieux qu'elle photographie ou qu'elle traverse, il y a cette tension-là entre nature et artificialité. Et à travers ce corpus-là, plus largement, au-delà de ce qu'on voit en galerie, il y a aussi des documents d'archives, des planches scientifiques, des dessins, des gravures qui viennent aussi compléter ce corpus-là d'images. Et si on revient juste un instant sur le titre, parce qu'il est quand même assez marquant là, dans cette exposition-là. Oui, il y a quelque exposition-là. Chose de très narratif, mais en même temps très mm-hmm. opaque. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Oui, exact. Alors, Elsa Stubé présente son titre comme étant, en fait, peut-être même... la racine le point d'émergence de son projet, un titre qui réfère à la fascination entre l'imaginaire de la science-fiction post-apocalyptique, donc les extraterrestres, et le jardin comme référence de l'imaginaire romantique par excellence. Donc, elle met en relation ces deux pôles-là pour faire émerger ce projet-là. Wow! En tout cas, ça a l'air intéressant. Mais moi, je l'ai vu, puis ça me donne le goût de le revoir parce que, bon, je suis allée au vernissage, puis on n'a pas toujours le temps de se pencher sur les œuvres comme il faut. Donc, c'est présenté à vue. C'est présenté jusqu'à quand, Delphine? Jusqu'au 14 octobre. Et donc, c'est ouvert depuis vendredi dernier. Vous pouvez évidemment visiter les expositions du mercredi au dimanche, de midi à 17h, au Centre Vue. Et il y a aussi, comme à chaque exposition, j'aime le souligner, un article sur le blog qui est publié. Donc, c'est Michel Drapeau qui a été invité à publier un article. Donc, je vous invite à aller vous promener un peu sur le blog de vue. C'est toujours intéressant de voir l'interaction des mots et des images. Et merci beaucoup, Delphine, pour cette belle première chronique. Je te remercie, ça a été un plaisir. Et nous, on va partir en pause publicitaire et au retour, je m'entretiens avec Anne-Yvonne Jouan. 89.1 CKRL à Québec. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, maison de la famille Louis Hébert, Harmonie Montmorency, carrefour d'éducation à la solidarité internationale. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'émission de cinéma Situation Critique, c'est 8 chroniqueurs qui se succèdent au micro pour vous parler des films à l'affiche et de l'actualité cinématographique. Situation Critique, chaque mercredi, 18h30, aussi disponible en balado-diffusion. Une présentation du Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Alors, Anne-Yvonne Jouan, vous êtes directrice de la Société d'art et d'histoire de Beauport, je crois. Oui, c'est ça. Donc, bienvenue en studio. Et vous m'avez amené une surprise. Oui, je suis venue avec Tania Morand aujourd'hui parce que nous étions en montage pour son exposition qui aura lieu à la salle Jean-Paul Lemieux à la bibliothèque Étienne Parent. Elle ouvre dimanche. Et Tania a un petit carnet aussi dans la biennale. Oui. Donc, on en a profité. Donc, bonsoir, Tania. Bonsoir. Je vous ai invité pour parler de cette première biennale internationale du carnet d'artistes. C'est votre initiative, je crois, Anne-Yvonne. Oui, c'est ça. J'avais envie de faire découvrir aux gens qui sont un petit peu extérieurs au milieu artistique le moment où la pensée arrive, il y a une espèce d'idée, quelque chose de créatif. Souvent, ça intrigue les gens qui ne connaissent pas le milieu artistique, qui se demandent, mais comment avez-vous eu cette idée? Ou alors, ça peut être aussi le processus dans le dessin, le travail autour d'une œuvre. C'était ça que je voulais faire découvrir. Et vous avez lancé un appel de dossier. Oui. On le par- partager ici au micro, donc au début de l'été. Et j'imagine que vous avez reçu des propositions d'un peu partout. C'est une biennale internationale. Oui, c'est la première. Hein. C'était un peu prétentieux d'être, de l'appeler comme ça. Mais en fait, on a reçu des carnets de Colombie, de France, d'Angleterre, des États-Unis. Oui, oui, on a vraiment reçu des carnets à l'international. Wow! Et donc, on a plus d'une quarantaine de carnets qui sont exposés à la maison Tessier dit la plante. Merci beaucoup. Vous m'avez vu lever les yeux pour me souvenir. C'est la dernière maison à être entrée dans le réseau des maisons du patrimoine de la ville de Québec. Oui. Alors, c'est sûr qu'on connaît plus Amel Bruno ou la Villa Bagatelle. Oui. C'est la même chose, mais c'est près des chutes Montmorency. Oui, tout à fait. Donc, c'est la Société d'art et d'histoire de Beauport qui s'occupe de la programmation des expositions. Qui s'occupe du lieu, qui s'occupe de la... Oui, exactement. Et donc, si on revient à ces carnets d'artistes, donc on a des artistes de tous les horizons, d'ici, de partout dans le monde. Et puis, il y a une très, très grande diversité aussi chez les artistes. On a et dans les carnets, on a des carnets qui vont ressembler plutôt à un album de photos. On a des carnets où on a vraiment des œuvres qui vont ressembler plus à des œuvres finies. Donc, il y a vraiment une très, très grande diversité. Comment avez-vous abordé cette diversité-là? Bien, comme c'est la première biennale, oui. Je savais pas trop ce que j'allais recevoir. Moi, j'avais une idée en tête, évidemment, oui. De ce que j'imaginais, et j'ai pas été déçue. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on allait à la poste avec mon adjointe, on ouvrait la boîte, et on sautait en l'air en disant oh, mon Dieu, c'est beau. Et c'est vrai que c'est varié, mais en même temps, je pense que chaque artiste a un style qui lui est propre, et c'est justement ça se voit dès le carnet, quoi, dès le moment où la pensée se crée sur du papier. Pour les artistes qu'on connaît, on le sent, on voit tout de suite le style de chaque artiste. Et en parlant des artistes, on a Tania Morin qui est ici en studio. Donc Tania, toi, tu as proposé un carnet à cette biennale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as choisi le carnet que tu allais proposer? Parce que j'imagine que tu en as plusieurs dans ton atelier. En fait, j'ai choisi le carnet que je pouvais présenter en public. Les autres sont tellement les outils de travail que j'étais gênée de les laisser partir de l'atelier. Il y a quelque chose de très intime. Donc, c'est ce que je voulais, en fait. Ouais. Je voulais montrer l'intime, mais en même temps, je crois que c'est exactement ce qui s'est passé. Les artistes avaient peur de se dévoiler là-dedans. Donc, le carnet qui méritait d'être public, dans le fond. Mais ils méritent tous, mais les autres ne sont pas finis, puis sont vraiment les outils de travail pour moi présentement. J'ai besoin de ces dessins-là. Oui, on en a besoin. Donc, aussi. Celui-là, il est tout petit, il est très humble, il est en forme de ça déplie comme un éventail. Et c'est les portraits de mes amis puis ma famille de proches. Mais il y en a les carnets qui sont extraordinaires, comme celle de Samuel qui a eu le deuxième prix. Oui. Il est si dense, si complexe, si imaginatif, et les images en métamorphose, j'adore. C'est Samuel Breton, effectivement, il a un coup de crayon extraordinaire, et puis il a du texte, son carnet est riche, très très riche. Oui, on sent vraiment que Samuel Breton, même que quand il fait des expositions, parfois il expose même ses carnets dans les expositions, donc le carnet fait partie de sa démarche, puis une démarche aussi qui met l'artiste aussi un peu, ou devient aussi une œuvre d'art au travers de ça. Donc, c'est intéressant. Et donc, on parle de Samuel Breton qui a gagné un prix. Et il y a d'autres prix qui ont été octroyés. Comment ça s'est organisé, ces prix? On ne peut pas vraiment dire un premier prix ou un deuxième prix. C'est des coups de cœur. Oui. En fait, il y a eu un jury qui a été constitué d'artistes ou de personnes du milieu de l'art. Il y avait Don Darby, qui est sculpteur ici à Québec. Oui. Il y avait M. Gérald Alexis, qui est historien de l'art, et Anne-Sophie Blanchet qui est commissaire d'exposition. Oui. Accompagnée de Delphine Delmas qui est la vice-présidente aux arts à la société. Ils se sont réunis, ils ont fait une sélection. Il y avait un don du Conseil Beauportois de la Culture dans le fonds Normand Brunet. C'était un prix de 1 000 $ et ça devait être attribué à un artiste de Beauport, de la côte de Beaupré, de l'île d'Orléans. Et donc ce prix-là a été remis à Madame Christine Vallée pour son carnet. Donc bravo. Une artiste de l'île d'Orléans. Oui, oui, oui. Donc qui représente justement très bien les paysages des environs de la côte de Beaupré, de l'île d'Orléans. Les personnages. Ouais, elle est beaucoup dans le personnage qui bouge, le mouvement du corps quand même. Oui. Oui, je pense que j'ai interverti avec grave. Non. mais c'est ça. Donc il y a plus d'une quarantaine de carnets qui sont exposés dans cette biennale, dans ce très beau lieu qu'est la maison. Tessier dit la plante. Donc sur deux étages. Ça peut être facile de trouver comment disposer parce que ça, à un moment donné, ça devait déborder, là. On a tout de suite pensé au système des petites étagères. Oui. Tout simplement des petites planches qu'on a fixées au mur pour présenter les plus petits carnets. Et puis après, on est comme tous les organismes à but non lucratif. On n'a pas beaucoup de sous, donc on s'est organisé avec des tables, des choses qu'on avait par ailleurs pour disposer les carnets, de manière à ce qu'on voulait que le public et les visiteurs puissent quand même les feuilleter. Oui, donc c'est très agréable, on peut mettre les gants blancs et consulter chacun des carnets, on peut passer des heures dans cette exposition-là. Oui, puis aussi j'avais envie de si vous voulez que les visiteurs comprennent la démarche de l'artiste. Donc on a extrait une phrase dans chacune des démarches qui est un peu significative de l'œuvre de l'artiste. Et donc au-dessus de chaque carnet, on voit le nom de l'artiste et cette phrase qui est une phrase que l'artiste nous a envoyée. Et donc pour revenir à Tania qui est là en ce moment, donc Tania, toi tu exposes un de tes carnets dans cette Biennale internationale du carnet d'artistes, mais tu es ici aussi pour une autre raison, parce que la Société d'art et d'histoire de Beauport présente ton travail à la bibliothèque Étienne Parent. Merci beaucoup. À la bibliothèque Étienne Parent, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette exposition-là, Tania? Oui, ça va être dans la grande salle qui s'appelle la salle de Jean-Paul Lemieux. Et l'exposition s'appelle « Cosmopolite, enfante et arabesque ». Et c'est des très grands tableaux, aussi quelques tableaux de moyen et petit format, quelques sérigraphies aussi. Donc, ton travail récent dans lequel tu utilises les carnets que tu ne voulais pas proposer à la Biennale, c'est ça? Donc, ton travail récent, donc tu travailles beaucoup le collage, la photographie, je crois? Oui, en fait, j'essaie de confondre les limites entre la photo et la peinture. Donc, les grands formats sont presque tous avec un élément photographique en collage que j'ai fait imprimer directement sur la toile, que j'ai ensuite retouché complètement avec la peinture à l'huile et j'ai rajouté d'autres éléments autour aussi. Et le vernissage, c'est le 16 septembre? En fait, l'exposition commence le 20, le 16, mais le vernissage, ça va être jeudi la semaine prochaine, le 20, à 18h, à 6h le soir. Et ça va durer jusqu'au 28 octobre. C'est ça. Et pour ce qui est de la Biennale internationale du carnet d'artistes, c'est à la maison Tessier dit la plante et ça dure également jusqu'au 28 octobre. Exactement. Ben, merci beaucoup, mesdames, d'être venues vous entretenir avec moi en studio. Nous, on part pour une courte pause audio et au retour de la pause, je m'entretiens avec Marie-Claude Drolet et Julie Bellavance. Alors, on est de retour en onde à l'aérospatiale toujours. Donc, nous avons Marie-Claude Drolet avec nous en studio. Bonsoir, Marie-Claude. Bonsoir. Donc, bonsoir. Première chronique. Oui, première chronique à vie. Et donc, pour cette première chronique, tu as choisi d'inviter Julie Bellavance pour parler de son expo chez Engram. Oui, exactement. Donc, bonsoir, Julie. Bonsoir. Et donc, cette exposition qui explore la lithographie d'une manière quand même assez approfondie, hein? Oui, quand même. Alors, Marie-Claude, est-ce que tu avais des questions pour Julie? Oui, j'ai beaucoup de questions pour Julie. Donc, je voulais introduire un petit peu l'exposition, premièrement. Donc, pour la rentrée culturelle du Centre Engram, a choisi de proposer une exposition qui s'appelle Balanomorpha, du terrain au dessin. Donc, c'est la première exposition solo de Julie Bellavance. Donc, là, j'avais toutes les heures et les journées que vous pouvez visiter l'exposition. Est-ce que c'est un bon moment pour en parler ou plutôt à la fin? Oui, on peut le dire à la fin de la chronique. D'accord. Oui. Donc, pour ma part, j'ai rencontré Julie la première fois lors d'une soirée au Roulement à billes il y a à peu près un an. Puis, Julie m'avait parlé de lithographie et avec vraiment une passion contagieuse pour cette technique, si bien que cet été, j'ai suivi une formation privée avec elle dans les ateliers d'Engram. Ah, vous avez une relation particulière. Oui. Oui, donc on a passé 3 jours ensemble où j'ai appris cette technique de lithographie qui est quand même assez complexe. Et puis, donc, c'est à ce moment-là aussi que Julie m'a parlé de son projet d'exposition. Donc, cette exposition-là présente 11 lithographies imprimées en noir et en blanc sur des fonds noirs et blancs et certains fonds colorés. D'abord, Julie, est-ce que tu peux nous expliquer, dans tes mots simples, qu'est-ce que la lithographie? La lithographie, en fait, c'est une technique d'estampe. Donc, c'est le principe d'avoir une matrice qu'on peut reproduire plus d'une fois la même image. Puis, la lithographie, ça repose sur le principe de répulsion du gras et de l'eau. Fait que ça se travaille sur une pierre. Litho, ça vient de pierre. Donc, sur une pierre qu'au départ, je la ponce, est neutre. Ben, je vais travailler au gras, dans mon cas, avec un crayon gras. Puis ensuite, je vais traiter la pierre pour qu'elle aime l'eau. Puis, le gras puis l'eau, ça se répulse tout le temps, comme dans une vinaigrette, quand même. OK. Le défi, en fait, c'est de maintenir cette surface-là stable sur la pierre. Puis quand j'imprime, ben, je maintiens l'humidité sur ma pierre. Je passe une éponge et puis j'encre avec de l'encre à l'huile. L'encre à l'huile colle là où il y avait la mémoire du dessin en gras. Donc, j'arrive à isoler l'image. Puis ensuite, je mets mon papier sur le dessus. Je passe sous presse. Puis voilà, l'œuvre imprimée. Donc, c'est un procédé qui est quand même assez long. Hein? C'est assez long. Ben, surtout la préparation de la pierre, en fait. Oui, il faut prendre le temps de le faire, mais... ouais. Donc, c'est tu me disais que toi, tu travaillais à partir de crayons sur la pierre. Oui. Il y a aussi d'autres techniques pour préparer les pierres, pour... Oui, mais on peut travailler aussi des lavis, on peut travailler la photolitho avec des lignes très précises. Il y a plusieurs façons de travailler la pierre. Donc, toi, pourquoi tu as choisi de travailler avec le crayon? Pour le rapport au dessin, oui. Parce que moi, je dessine sur la pierre, je fais des images au dessin, fait que je choisis le crayon. D'ailleurs, pour ces images-là, tu as choisi de travailler à partir d'un objet, un élément qui est organique, qui est en fait un coquillage. Oui. D'où le titre de l'exposition. Oui, Balanomorpha, c'est le nom du coquillage que j'ai utilisé. Ah. Oui. Dans tes projets précédents, j'ai déjà vu que tu avais travaillé avec l'asclépiade. Oui. Donc, comme élément de départ, qui est également un élément organique. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus quant au choix des éléments de départ que tu choisis d'utiliser? Quelles sont les qualités que tu recherches dans ces éléments-là? Oui, ben en fait, j'utilise toujours des éléments naturels que je trouve au hasard de la vie. Là. Parfois, c'est vraiment en nature. Parfois, c'est... Le petit coquillage était à l'atelier d'une amie. Oui. J'aime les éléments naturels parce qu'ils apportent vraiment... on les reconnaît déjà, tout un chacun, on reconnaît que c'est un élément naturel, même s'il n'est pas issu de notre propre environnement. Puis, contrairement aux éléments construits par l'homme, je trouve qu'ils peuvent se dégager parfois un sentiment d'étrangeté de la forme, ce qui fait que moi, quand je la dessine, ben, j'ai un rapport, je dessine l'objet tel qu'il, mais j'ai un certain rapport à l'abstraction aussi, du point de vue que je choisis de le dessiner. Ça fait que ça me permet d'explorer, les éléments naturels me permettent d'explorer aussi cette avenue-là. Parce que tu n'utilises pas nécessairement tous les points de vue de l'objet, il y a vraiment un choix spécifique par rapport au point de vue. Oui, quand je choisis l'objet, je le choisis parce que je m'intéresse à sa forme, autant qu'à sa surface, parce que je vais la dessiner aussi. Oui. Puis le point de vue est important pour, dans mon approche, dans mon rapport à l'abstraction, en fait, que je vais choisir un point de vue qui permet qu'on ne reconnaît pas tout de suite d'emblée le sujet. Fait que j'espère que c'est comme une technique. Avec pour moi, ramener... ça a fonctionné, en tout cas. Oui, c'est ça. Oui, j'étais quand même très, très intriguée par ces formes-là. Ça donne une espèce d'amas. Puis après, comme c'est représenté en noir et blanc, on a de la difficulté à savoir si c'est mou, si c'est dur. Donc, il y a vraiment une espèce d'ambiguïté quant à la nature de l'objet, même si c'est très, très clair dans le titre que c'est un balanomorpha. Oui, encore faut savoir ce que c'est un balanomorphe. Tout le monde connaît, bien sûr. J'avais fait une petite recherche. Cette expo-là est présentée dans le cadre de ta fin de maîtrise en arts visuels à l'Université Laval. Est-ce qu'il y a des points qui différencient ce projet d'exposition-là de tes projets précédents? Oui, puis non. Ben, en fait, je travaille toujours dans une certaine continuité. Là. Fait que je travaille toujours en lithographie avec les formes naturelles abstraites. Puis ce qui va différencier mon travail, chacun des corpus que je crée, dans le fond, là, c'est la façon dont je choisis de travailler, surtout la variante en lithographie. Fait que moi, quand je travaille, j'imprime toujours en noir sur blanc, blanc sur noir. Puis après ça, j'y vais au gré de ce que j'ai envie d'expérimenter. Cette fois-ci, je décide d'expérimenter sur des fonds colorés aussi. Oui, j'avais déjà exploré un peu, mais au fur et à mesure que ma pratique avance, j'ai des papiers qui sont déjà prêts, parce qu'en fait, j'imprime moi-même mes fonds colorés. Oui, c'est une particularité de ton travail. Quand même, oui. Fait que c'est en lithographie que je fais un aplat lithographique sur une pierre, puis j'imprime l'entièreté du papier. Puis là, à force de travailler, j'en ai beaucoup d'accumuler des papiers. Fait que là, ça m'a permis d'explorer beaucoup l'impression sur ces fonds colorés-là, qui me permet aussi de rapprocher l'image du fond, là, parce que ça garde la même matérialité de la pierre puis la qualité de l'encre. Fait que là, pour cette expo-là, c'est même... j'ai trouvé que c'était un peu audacieux, mais j'ai imprimé qu'en noir et en blanc. C'était assez simple, finalement. Mais finalement, avec les fonds colorés, ça vient chercher des nuances puis des différences dans chacune des impressions. Là. Exact, c'est ça. Puis dans la façon dont je les ai mis en relation dans l'espace, ça nous permet de les regarder, les comparer, les associer, les dissocier. Pour justement, dans ta stratégie de présentation, tu as regroupé certaines lithographies ensemble. Oui. Donc, il y a trois groupements. Oui. Un grand groupement. Oui. Donc, toutes les lithographies sont présentées sur socle en angle au centre de la pièce. Est-ce que tu peux nous parler un peu des correspondances, des choix des lithographies que tu as voulu mettre en dialogue ensemble? Ça se fait vraiment simplement. Là, quand je m'installe dans l'espace, j'y mets en relation ensemble, je regarde qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. C'est sûr que j'ai comme toujours des clés. Je sais qu'il y en a qui vont bien fonctionner. Là, le noir sur blanc, puis le blanc sur noir, ça fonctionne toujours bien ensemble. Puis après ça, j'y vais en essayant de créer un équilibre de couleurs, des formes. Tu sais, je mets pas... Puis ça, j'ai deux images, une plus petite, une plus grande, puis je sais qu'il n'y a pas une concentration de quelque chose quelque part, puis que ça soit harmonieux, l'ensemble. Alors, Julie, j'ai une dernière question pour toi. Je sais que dans le cadre de ton travail, avec ton expertise en lithographie que tu as développée au cours des années, tu as eu l'occasion de travailler, de faire des collaborations avec d'autres artistes de Québec. Oui. Par exemple, pour l'artiste Paris Martin et Martin Bureau. Oui. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton rapport aux collaborations? Ça, c'est quelque chose que j'adore faire, là, parce que, après, tu sais, quand un artiste vient me voir puis veut travailler avec moi, il y a il y a plusieurs façons de fonctionner, mais soit je peux l'imprimer tout simplement, mais comme avec Martin, c'était un projet que lui fait de la peinture, puis là, il voulait le faire en litho, fait que c'était vraiment intéressant de voir comment on peut amener son médium puis sa création, sa pratique dans mon médium, fait que ça, c'est super, là, travailler avec quelqu'un, puis faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse aussi, lui, il me fait confiance, moi, je fais confiance à son travail, mm-hmm. puis... Est-ce que ça peut aussi nourrir ta propre pratique? Oui, beaucoup, parce que moi, j'utilise la lithographie d'une seule façon. Tu sais, moi, mm-hmm. je fais du travail au crayon, mais là, quand je travaille avec quelqu'un d'autre, ben, ça m'oblige à ouvrir ben, ma propre pratique, mais aussi même mes connaissances techniques. Tu sais, il faut tout le temps que j'aille au-devant de... Spécifique à un certain projet. Exact, oui. Oui, fait que ça, j'adore, j'adore ce genre de projet-là. Bien, merci. Ça me fait plaisir. Donc, l'exposition Balanomorpha, du terrain au dessin, Julie Bellavance, c'est présenté jusqu'à quand? Jusqu'au 14 octobre. Chez Engram. Donc, et merci beaucoup, Marie-Claude Relais, pour cette très belle première chronique. Ça fait plaisir. Merci, Julie Bellavance, de t'être déplacée en studio, merci. D'avoir la générosité de merci parler de ton beaucoup. Travail. Nous, on va partir pour une petite pause audio. Donc, on va écouter un extrait du titre Céline de Natation, qui est un groupe de New Wave, Disco, Punk, Rock, Déjeuner dansant de Montréal. Wow! Céline, la pauvre, le monde n'y trouvait pas bien belle. Des yeux marrons, des dents dentifrice, une couette de cheval, des culottes bien trop courtes. Fait donc que c'était pas plus chic. Moi, je l'aimais de même, je la suivais comme un chien. Un grand Danois plein de tendresse, mais faut dire, j'étais pas bien beau. Moi, je m'aimais de même, mais pas les autres. Nature, 200 pieds d'égo tout autour de la tête. Elle est partie faire tourner des 100 piastres sur son nouveau nez, parce que chez nous, ben, c'était plus chez eux. Des fois, je me dis, elle voulait-tu être éternelle, comme les princesses de Disney, comme toutes les autres qu'on garde la trace sur le cœur, comme l'été qu'on se demande à chaque année s'ils vont revenir, comme la prochaine émission de Fabienne qui va être donc bien originale. Hey, toi, être éternelle. Assoiffée d'amour, je te le jure, insatiable, insatiable. Tout le monde l'aime de même, mais pas moi. Je l'ai jamais revu, je t'avoue, ça a vraiment pas été facile. Je m'ennuie, là. Si ça a l'air de faire mal dehors, ben, imagine comment ça file en dedans. Alors, après cet extrait du groupe Natation, je vous présente l'agenda de la semaine pour savoir là, tout ce qui se passe dans le monde des arts visuels à Québec cette semaine. Donc, cette semaine débutait l'exposition Barbare de Charles Turcotte, qui est présentée à la salle d'exposition du pavillon Desjardins de l'Université Laval. Et ce soir, il va y avoir une conférence au Musée national des beaux-arts à partir de 19h30. Donc, si vous voulez y assister, dépêchez-vous. C'est Anne-Marie Bouchard, la conservatrice de l'art moderne, qui présente cette conférence intitulée « Paris, capitale du 19e siècle, au temps de Berthe Morisot ». Également, demain débute l'exposition « Corpuscule » de Marie-Lou Kenny-Gagnon, donc à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Je vais la recevoir en entrevue la semaine prochaine, donc pour parler de cette exposition. Vendredi, « Utopie comme méthodologie », donc l'exposition collective sous le commissariat d'Amber Burson à Regard, dont on a parlé tout à l'heure. Également, « Rassemblement internation d'art performance autochtone » qui va avoir lieu à partir de vendredi jusqu'à dimanche. C'est à Wendake, à ne pas manquer. Samedi, Rencontre internationale d'art performance volet 1. Donc, c'est le 40e cette année de la Rencontre internationale d'art performance du lieu. Donc, le volet 1 se consacre au Canada et aux artistes autochtones. Donc, ça va avoir lieu du 15 septembre au 23 septembre. Dimanche débute l'exposition dont on a parlé tout à l'heure de Tania Morand, Cosmopolite enfante et arabesque, à la salle Jean-Paul Lemieux de la bibliothèque Étienne Parent à Beauport. Et lundi va débuter l'exposition Printemps et autres scènes de Karine Locatelli du côté d'Espace Parenthèse. Donc l'exposition débute le lundi, mais c'est jeudi le 20 septembre que va avoir lieu le vernissage. C'est ainsi que se termine l'aérospatiale. J'en tiens la France avec vous au micro. Merci de m'avoir écouté cette semaine. Merci d'être là chaque semaine. Vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. J'aimerais remercier mes invités Anne-Yvonne Jouan et Julie Bellavance. J'aimerais remercier nos super chroniqueuses Myriam Leland, Delphine Eggersbar et Marie-Claude Drelet. Merci à Simon Roy pour les découvertes musicales. Et merci à Jacques Gignac, le Rohan Miro de la console. Restez à l'écoute de CKRL 89.1. C'est l'émission Situation critique avec Pierre Blais de l'autre côté de la pause. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Vous écoutez CKRL 89.1. Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisirs, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de fun noir, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. Premier acte en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et les productions Le Temps qui s'arrête présente Justin. Mes chers amis, c'est une nouvelle page de notre story qui se tourne tonight. Une ère of change remplie de défis qui frappent à notre door. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for each et chacun de nous. Justin, un conte politico-fantastique de et avec Lucien Ratio. Mise en scène de Jocelyn Pelletier et musique de Millimétrique. Justin, du 11 au 22 septembre à Premier Acte. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca. Vous avez le bassin fracturé puis un poumon perforé, mais vous allez vous en sortir. Docteur, quand ma blonde va être là, pouvez-vous dire que je me suis fait sans skate? Vous ne voudrez pas que ça se sache, parce que tout le monde sait que c'est idiot de texter au volant. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Bonjour, ici Fabien Gabel. Le 19 septembre, laissez-vous impressionner par notre concert d'ouverture, une soirée grandiose où Lise de la Salle donnera le ton à cette saison époustouflante en interprétant le troisième concerto de Rachmaninoff. Pour cette nouvelle saison avec l'Orchestre symphonique de Québec, j'ai provoqué des rencontres étonnantes et élaboré une programmation offrant classiques intemporels et découvertes inattendues. Je vous y attends avec impatience. Tous les détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. En septembre, voyez au cinéma Le Clap, Drôle de père dès le 7, The Children Act et Première année dès le 14, La disparition des Lucioles dès le 21, Les abominables petits pieds dès le 28. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs.